tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, cet étrange désir de posséder les œuvres d'art. Une série de Perrine Kervran réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a une leçon inaugurale ébouriffante au Collège de France et la pensée si précise et généreuse de l'historienne Bénédicte Savoie. Il y a aussi ces objets que l'on a tellement l'habitude de voir au musée qu'on finit par oublier que jamais cela n'a été leur place. Ils ont été faits pour des églises, des temples, des palais, des jardins ou des salons et en ont été arrachés. Et il y a ces demandes des anciens pays colonisés de récupérer les objets et les sculptures que les colonisateurs se sont attribués. Et parfois, ce plaisir évident de voir un objet dans l'endroit pour lequel il a été conçu, et paradoxalement cet autre plaisir tout aussi fort de déambuler dans les musées. Des musées qui sont l'illustration de notre étrange désir d'accumuler. Alors pour commencer, les personnages. Un historien qui raconte la naissance des musées, un conservateur comme un poisson dans l'eau, une historienne entre Paris et Berlin, un ingénieur qui veut réveiller des émotions perdues et un historien de la Révolution française. Ensuite, le décor. Les rues industrieuses du 10e arrondissement, le musée du Louvre, les quais de la Seine, une immense peinture, l'île au musée à Berlin, les vastes hangars à Madrid, les bureaux de l'Institut de l'Histoire de l'Art et les convois de l'armée napoléonienne. Aujourd'hui, 3e épisode, on n'arrive pas loin du métro Strasbourg-Saint-Denis. On est aujourd'hui au croisement de la rue Saint-Denis et du boulevard Saint-Denis. Et on est devant un arc de triomphe, l'arc de triomphe de la porte Saint-Denis. On est avec vous, Guillaume Mazot. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous décrire cet arc de triomphe? C'était une porte sous l'Ancien Régime qui délimitait l'intérieur de Paris des faubourgs, et cette porte, à la fin du XVIIe siècle, elle a été construite en forme effectivement d'arc de triomphe. On voit donc le roi en cavalier, suivi d'une armée en habit antique. Oui, cette porte, elle vise vraiment à célébrer Louis XIV comme un chef militaire, et, comme quelqu'un qui a remporté, donc c'est vraiment le roi guerrier. C'est en particulier ça qui va poser problème sous la Révolution. Comment la Révolution iconoclaste inventa le musée du Louvre? À partir de 1792-1793, au moment où la monarchie s'effondre et où elle est de fait supprimée, ce qui blesse les yeux, comme disent les gens à l'époque, hein, ce qui offense le regard, c'est à la fois les représentations du roi et ses symboles, mais surtout, paradoxalement, c'est l'inscription Ludovico Magno en lettres d'or. Louis le Grand. Mais ce qui est le plus étonnant dans ces portes, c'est qu'elles sont encore là, même en 1792 et 93. Non, tout n'a pas été détruit, même si c'est difficile souvent de savoir pourquoi certaines choses ont été préservées. J'ai été caché dans un bunker. J'ai été pillé, vendu, échangé. J'ai été emporté par les Français. J'ai été enveloppé dans des rideaux. J'ai été caché. J'ai été volé, détruite, pillé. Je suis fait de toile. J'ai été échangé. J'ai été volé par un soldat. De bois et de peinture. J'ai été démonté. J'ai été brisé. J'ai été rendu. J'ai été démonté. Et roulé et emmené à Paris. On me réclame. J'ai traversé l'Europe dans un chariot. Je suis en bois. Je suis en bois, en pierre, en marbre. J'ai été volé. Je par suis un une statue brisée et brûlée. J'ai été échangé. Je suis en marbre. Je suis en ivoire. La reine Sarakouille. Je suis une œuvre d'art. I was destroyed. Certaines des statues de Notre-Dame pouvaient parler, elles nous diraient qu'elles ont été décapitées. D'autres à Provins que leurs visages ont été martelés et les portraits de certains nobles raconteraient qu'ils ont été crevés à coups de pique. Quand on pense à la Révolution française, on a plein d'images en tête. Des images bien rangées, comme des cartes postales, ou ces assiettes qui joignent une image à une histoire pour composer une morale trop simple. On y voit des révolutionnaires enfiévrés, ivres de colère et d'espoir, aux prises avec les symboles de la noblesse, de la monarchie ou de l'Église. Mais à partir du moment où la destruction devient un mot d'ordre, alors forcément, il faut choisir. Ce qu'on détruit, et du coup aussi ce qu'on protège. Comme si l'iconoclasme ne pouvait se concevoir sans la conservation. Et c'est peut-être ça, l'histoire la plus contradictoire de la Révolution. Comment elle a amené la création d'un musée national, comment le pillage napoléonien est devenu symbole de la libération des arts, et comment la folie du musée a gagné l'Europe. Pendant la Révolution, évidemment, est mise en doute toute une partie du legs architectural, urbanistique de l'Ancien Régime, et du coup, ça fait aussi, évidemment, naître beaucoup de débats et prendre conscience, finalement, du rôle que les nouvelles autorités jouent dans la construction de la nation future, et même du rôle qu'elles jouent dans la construction d'un idéal commun de l'humanité, puisqu'il y a une portée universelle dans cette Révolution, et l'art fait partie de ce que Paris prétend en tant que capitale des révolutions, comme elle se prétend être, du rôle qu'elle prétend jouer pour l'humanité entière. Et c'est pas un hasard si Paris se prétend capitale des arts. C'est-à-dire que le but d'une partie des républicains en 93 et 94, c'est que Paris finalement se présente comme la première ville de l'époque moderne, après Athènes et puis après Rome de l'Antiquité, hein, à préserver, conserver et surtout exposer les arts pour tous les peuples d'Europe et pour toutes les générations futures. Et c'est pas un hasard si finalement c'est aussi pendant la Révolution que naît la notion de patrimoine en fait. Dans le cas français, c'est la Révolution française qui va vraiment inaugurer une notion que nous pouvons reconnaître pour nous comme étant celle du musée contemporain. Et c'est d'autant plus important dans le cas français qu'il y a, après la coupure révolutionnaire, évidemment deux camps. C'est la fameuse histoire des deux Frances. Donc la France traditionnelle, pour résumer, et la France révolutionnaire. Et que, du coup, la généalogie des musées a revêtu une certaine importance historique. C'est-à-dire que certains ont pu revendiquer les rois de France comme étant les véritables responsables de l'ouverture des musées, tandis que d'autres jugeaient que seule la Révolution avait permis l'ouverture des musées. En fait, je ne veux pas dire que les deux ont raison, en fait, les deux camps ont raison. Il se trouve que les intellectuels, pourrait-on dire, ou les grands administrateurs de la fin de la monarchie française, marqués par la pensée des Lumières, ont la conviction qu'il serait bon d'ouvrir un musée qui serait à la fois à la gloire du roi et à la gloire de la nation, et qui aurait pour modèle le fameux Muséion d'Alexandrie. Et ça, c'est une représentation qui va véritablement construire l'horizon d'attente du muséum, comme on l'appelle, puis du musée central de la République, qui deviendra ensuite le musée Napoléon avec l'instauration de l'Empire. Et c'est donc la Révolution qui va l'ouvrir, pour célébrer d'ailleurs son avènement, puisque c'est une première commémoration, le 10 août 1793, qui signe l'ouverture du musée du Louvre. Au XVIIIe siècle, vous avez, dans toute l'Europe, des collections ouvertes au public. Vous avez un musée public à Dresde, à Vienne, à Munich, dès avant la Révolution française, dès le milieu du XVIIIe siècle, et bien sûr aussi en Italie, les offices à Florence, etc. Donc, le musée public n'est pas une invention de la Révolution française et de l'Empire. Ce qui est une invention de la Révolution française et de l'Empire, si on veut, et donc de Dominique Vivant-Denon, c'est d'avoir créé le lien qu'a si bien démontré Dominique Poulot entre musée, nation et patrimoine. C'est-à-dire que maintenant, le musée est un lieu d'affirmation nationale, alors que les musées publics du XVIIIe siècle étaient des lieux de monarques éclairés qui ouvraient leurs collections publiques au public, qui ouvraient leurs collections privées au public, dans des lieux publics. Donc il y a vraiment quelque chose de très humaniste dans le discours de l'ouverture des collections princières au public au XVIIIe siècle. Tandis que, avec le moment des années 1800, on voit la nation arriver vraiment comme critère du musée. Alors on voit souvent l'iconoclasme révolutionnaire à travers une image un peu monolithique, à travers celle de la foule qui détruit tout ce qui pourrait éventuellement rappeler la monarchie et la féodalité. En fait, il y a une diversité de situations. C'est vrai qu'une grande partie des symboles et des signes qui se trouvaient dans l'espace public a été détruit comme ça. Il y a eu aussi, alors plus ponctuellement et plus difficilement sûrement, mais ça a existé, toute une tentative d'encadrer ça par la loi, ces gestes-là par la loi. Sur la porte Saint-Denis en particulier, il y a eu beaucoup de débats à partir de l'été 1792, parce qu'une partie de la section du Faubourg du Nord demande la suppression à la fois des devises en l'honneur du roi, mais aussi des symboles quand même. Il y a donc les fleurs de lys, la couronne, il y a des portraits à la gloire de Louis XIV, des bas-reliefs. Et alors, une partie de la municipalité réfléchit, de la Convention nationale aussi. Il y a Poyer, qui est l'architecte de la ville de Paris, qui est chargé de réfléchir à toutes ces questions-là. Et puis enfin, le dernier acteur, c'est la Commission temporaire des arts, une série d'artistes qui travaillent sous la conduite de l'Assemblée et du comité d'instruction publique. Et en fait, ils font des propositions pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ça. Alors, en particulier, ce qu'ils proposent de remplacer, c'est la perruque de Louis XIV. Sous la Révolution, la perruque, c'est vraiment l'artifice vestimentaire des aristocrates. Et donc, ils proposent de la remplacer par une chevelure frisée. Donc, c'est facile à faire pour des artisans, il y a une économie de moyens. Une chevelure plus courte qui rappellerait finalement une longue iconographie, mais tout autre, celle d'Hercule. Donc on reste dans l'Antiquité, et Hercule, c'est un symbole du peuple pendant la Révolution, du peuple en action qui terrasse les tyrans. Est-ce que les travaux ont été faits? Parce que là, moi, je la vois toujours, la perruque de Louis XIV, quand je regarde. Eh bien, en réalité, ces travaux n'ont jamais été entrepris. En janvier 1794, on commence à en installer un échafaudage et ils vont rester pendant plusieurs mois vides. Et 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? C'est l'élimination de Robespierre. Un nouveau contexte où la radicalité de ces mesures était plus du tout souhaitable et au contraire, la République, Grégoire en tête avec son invention du vandalisme, a envie de se présenter comme protectrice des arts. Voilà. Pour lui, pendant cette année et demie, qui sépare le printemps 93 de l'été 94, la République a conduit finalement une politique de destruction systématique, non seulement de certaines populations en France, mais aussi de l'art et du legs des siècles passés. C'est ce qu'il appelle le vandalisme. C'est aussi une manière de dire maintenant il faut construire une République qui s'inscrive dans le long terme, qui puisse convertir politiquement tout ce qui a été inventé depuis 89, mais en refusant les violences. Décret du 27 juillet 1793. La Convention nationale sur le rapport de ses comités d'instruction publique et des monuments décrète ce qui suit. Article 1. Le ministre de l'Intérieur donnera les ordres nécessaires pour que le musée de la République soit ouvert le 10 août prochain dans la galerie qui joint le Louvre au Palais national. Article 2. Il y fera transporter aussitôt sur la surveillance des commissaires les monuments, tableaux et statues de marbre précieux déposées dans la maison des petits Augustins. Au fond, le contenu du musée du Louvre, il est lié aux différentes aliénations, confiscations, spoliations, comme on voudra, qui se sont déroulées pendant la période révolutionnaire. Le projet du premier Louvre, sous la monarchie, était évidemment un projet limité aux collections royales. Ensuite, évidemment, avec les confiscations des biens ecclésiastiques, mais surtout les confiscations de biens d'émigrés, puis les conquêtes des armées révolutionnaires, toute une série de pièces qu'on pourrait appeler du butin s'est trouvée disponible et a été dirigée sur Paris. Et le Louvre est devenu, d'une certaine manière, un centre de tri. La manifestation la plus évidente, c'est ce qu'on a appelé la fête de la liberté, c'est-à-dire ce grand cortège triomphal dont on a une représentation figurée un peu fantaisiste qui débarque par voie d'eau, qui traverse Paris et qui vient livrer ses trésors, si j'ose dire, au Louvre, sachant que il y a aussi beaucoup de pièces qui vont finir au Muséum d'Histoire Naturelle. Il y a toute une collecte encyclopédique en réalité, c'est-à-dire ça dépasse très largement le domaine beaux-arts stricto sensu, et on a des animaux, on a des exemples de botanique, on a toutes sortes de pièces, on aura ensuite des archives, et le Muséum Central, comme il porte ce nom, le Muséum Central de la République, est évidemment le point d'aboutissement. On vient de débarquer au pont Saint-Nicolas. 80 ou 100 caisses énormes renfermant les antiquités de Berlin, de Potsdam et le quadrige que l'on voyait sur la porte de Brandebourg à Berlin. Ce convoi est indépendant de 150 caisses précédemment arrivées au musée Napoléon et qui contiennent les magnifiques tableaux de la galerie de Hesse Kassel ainsi que les objets précieux de celle de Brunswick, de Schallstallen et de Wolfenbüttel. Alors l'idée de base, si j'ose dire, c'était une idée d'ailleurs qui s'était fait un jour sous la monarchie, était, selon la formule célèbre, d'avoir tout ce qu'il y a de beau en Italie. Et par conséquent, le problème, si j'ose dire, est de savoir, dans ce tout ce qu'il y a de beau en Italie, qu'est-ce qui est le plus beau, qu'est-ce qu'on doit demander en priorité. Et pour cela, très vite, on a l'idée de désigner des experts, des connaisseurs, qui vont donc avoir, pour certains, le titre de commissaire, et qui vont suivre les armées révolutionnaires, puis impériales. Mais là, ça sera le rôle de Dominique Vivant-Denon, en grande partie. Et ces experts sont donc chargés de sélectionner les pièces les plus importantes. Et donc, dans cette collecte, on va tenter de transférer Rome à Paris, et d'abord les antiques. Et puis, on va aussi tenter de prendre les Raphaël, les grands modèles de la peinture italienne, qui sont jugés essentiels pour le développement de l'école française. On pleurera éternellement nos courages, Titien, Raphaël, Dominicain, pertes irréparables. La patrie des arts sera sans art. Rome ne sera plus Rome. Quand on pardonnerait le pillage, on se souviendrait encore de l'affront. Ils se vantent de n'être pas des Vandales. Ces jours-ci, je suis retourné plusieurs fois au musée. Jusqu'à présent, rien n'avait encore été déballé ni déplacé. Mais ça y est. Ils ont commencé hier par le guerrier spartiate que les antiquaires appellent aussi Phocion, et dont tu te souviens sûrement. J'ai vu comment elle a été descendue de son socle et transportée hors du musée jusqu'au temple, sur des cylindres de bois. J'avais l'impression que c'était mon frère, ou mon ami, qu'on roulait ainsi jusqu'à sa tombe. Et tous ceux qui assistent à ces atrocités partagent cette impression avec moi. Carl Ludwig Fernau. On ne sait pas toujours comment les tableaux sont arrivés au Louvre, par quel arrachement originel. Prélevés dans une collection privée, sortis d'un salon, pris dans une église, achetés dans l'atelier d'un peintre, emportés comme butin de guerre, confisqués à des émigrés ou offerts en cadeau diplomatique. Mais ce qui est certain, c'est que les visiteurs du Louvre sont toujours susceptibles d'être bouleversés par la tempête de couleurs qui s'abat sur eux quand ils tournent le dos à la Joconde. Ces tissus riches et chatoyants, ce ciel d'un bleu de matin d'été, ces perroquets multicolores, l'or et l'argent d'une vaisselle précieuse, les musiciens du premier plan ou ces colonnades d'un blanc aveuglant. Bouleversés au point de vouloir en ramener un morceau chez eux. Puzzle de 2000 pièces, aimant à coller sur le frigo, dessous de verre, foulard de soie, tapis de souris, sac de plage. les noces de Cana sont devenues un des marqueurs de l'identité historique du Louvre. Et les gens regardent encore beaucoup les noces de Cana ? Ils ne regardent pas plutôt la Joconde ? Est-ce que les noces de Cana ne voient pas beaucoup de dos et de derrière, de sac à dos ? Alors, ça dépend ce qu'on entend par regarder, parce que les noces de Cana voient beaucoup de dos, ça c'est sûr. Mais suivant d'ailleurs l'entrée qu'on utilise, on entre soit avec les noces de Cana dans le dos, soit avec les noces de Cana en face. J'essuie les noces de Cana. J'essuie fait d'étoiles, de bois et de peinture. Je mesure 60 mètres carrés. J'étais peint à 1563 par Paolo Veronese. J'étais installé à Venise, à San Giorgio Maggiore. J'étais démonté et roulé, puis emporté à Paris. Venise me réclame. Alors, le tableau a été saisi à Venise par les armées de la République en 1797. Donc, sachant qu'il y a eu des saisies qui ont été faites par ces armées qui étaient réputées apporter la liberté à l'Europe, dans différents pays d'Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. En Italie, les armées ont saisi de façon beaucoup plus précises les œuvres que dans les autres pays, puisque la France, pays de la liberté, était censée prendre le relais de la grande école italienne. Donc les armées qui se sont rendues avec des commissaires chargés de saisir les œuvres d'art avaient des listes qui étaient établies à partir de Vasari, à partir des guides du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et le grand tableau de Véronèse, les noces de Cana, en raison de sa célébrité, d'une part, en raison aussi de son importance dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'histoire de l'art, était une des œuvres majeures destinées, dans l'esprit de l'époque, à rejoindre ce muséum, donc le musée, l'actuel musée du Louvre, le muséum qui avait été créé en 1793. Et alors, est-ce qu'on sait comment cet immense tableau, parce que là, il faut le redire, c'est quand même un tableau absolument gigantesque, comment ce tableau a été transporté de Venise jusqu'à Paris ? Alors, le tableau est effectivement gigantesque. C'est le plus grand tableau aujourd'hui conservé au Louvre, à peu près 60 mètres carrés. Le tableau a été décousu parce qu'évidemment, sur une toile de cette ampleur, ça ne pouvait pas être fait d'un seul tenant. Donc, le tableau a été décousu en deux morceaux, roulé et transporté sur des chars qui transportaient d'ailleurs d'autres œuvres à travers l'Italie du Nord, la Lombardie et puis à travers la France jusqu'au muséum. Sono le nozze di Cana. Mi hanno portato a Venezia, a San Giorgio Maggiore. Poi mi hanno smontata, arrotolata e portata a Parigi. Venezia mi reclama. Il se trouve que les Allemands autour de 1800, et on le sait tout le monde, Goethe, Schiller, etc. Les Allemands autour de 1800 se sentent italiens. Ils n'ont pas une culture nationale. C'est pas encore un pays qui, légalement, juridiquement, par ses frontières, est une nation comme pourrait l'être la France. C'est un pays qui s'identifie culturellement par sa langue commune et par son identification très forte à l'Italie. Donc, quand les armées révolutionnaires, qui sont pas encore des armées napoléoniennes, c'est pas encore l'Empire, c'est la Révolution française, le Directoire. Quand le Directoire décide de prélever, selon le vocabulaire de l'époque, ou de transférer ou de vider les collections pontificales, notamment à Rome, et ça avait commencé un petit peu avant dans le nord de l'Italie, les Allemands sont très choqués, très très choqués. Et notamment les Allemands qui vivent à Rome, il y a une grande colonie allemande à Rome à ce moment-là, ils le vivent comme une blessure physique, pratiquement. Il y a une identification très forte des personnes aux œuvres d'art qui sont là, et leur départ est comme en fait une mise en exil de ceux qui vivent à Rome. Et ceux qui vivent en Allemagne, et alors là, Berlin ne joue pas un rôle très central dans ces discussions, c'est bien sûr Weimar, cette capitale du classicisme allemand où se trouve Goethe, etc. Weimar est informé très très vite de ce qui se passe en Italie. Vraiment, on trouve non seulement des dépêches, des correspondances d'Italie qui décrivent ce viol, pratiquement, ce viol infligé au paysage artistique européen, comme ils l'appellent à l'époque, dont la capitale est Rome. Donc d'un côté ça, et d'un autre côté aussi la traduction, par exemple, de textes qui paraissent dans la presse française, parce qu'il ne faut pas croire, même en France, même dans le pays du vainqueur, tout le monde n'était pas d'accord avec ces pratiques, et notamment sur l'importance de l'œuvre d'art dans son contexte. Et ces textes-là, ces textes français, sont traduits aussi tout de suite en Allemagne. Donc il y a vraiment une opinion publique mobilisée pendant 2-3 ans, pratiquement, contre le démantèlement de Rome. Je suis un tableau. Cérémonie pour l'entrée des œuvres d'art conquises ainsi que d'autres objets. Je suis un objet. Un vrai régal pour les yeux. J'ai été peinte en Italie. Aussi bien le cortège que la cérémonie sur le champ de Mars. Ich wurde zerstört. Le cortège fit fort bel effet. Je suis en pierre. La quantité de chars, facilement entre 50 et 70. Je suis une statue. La présence militaire, la longueur des beaux boulevards. J'ai été transportée en bateau. Les voitures du cortège étaient pour la plupart chargées de cartons, décorées de feuilles de chêne et de drapeaux tricolores. Je suis en bois. Effectivement, au moment de l'arrivée des œuvres à Paris, il y a eu des fêtes qui étaient organisées avec les œuvres qui trônaient sur des chars et qui entraient dans ce muséum, dans ce musée. L'arrivée de ces œuvres était conçue à l'époque comme, d'une certaine manière, la contrepartie de la liberté apportée à l'Europe, le muséum étant le temple des arts, le muséum à Paris, c'est-à-dire l'actuel musée du Louvre. On avait offert à la vue du public le lion, la lionne et l'ours de Berne. J'ai été volé. Deux dromadaires gris et deux chameaux blancs, joliment parés et décorés. Une voiture chargée de plantes exotiques, les blocs de cristaux du Valais, les quatre chevaux de Saint-Marc et les bustes d'Homère et de Brutus. La colonnade construite pour la circonstance, les chars en file, les couleurs chatoyantes des drapeaux, la foule autour de la place. Tout cela produisit un effet somptueux sur le champ. Il y régnait un très grand ordre. Wilhelm von Humboldt. La Révolution française signe vraiment une nouvelle époque dans la longue histoire des pillages artistiques ou des spoliations. C'est-à-dire qu'auparavant, et c'est le discours que tient évidemment la Révolution, il y avait des pillages de la part de tyrans, d'usurpateurs, de conquérants, d'hommes de guerre. Et toutes ces attitudes sont, d'une manière générale, condamnées par les élites éclairées du XVIIIe siècle, par les révolutionnaires en grande partie, même si... lors de la fête des arts, il y a une bannière qui justifie ce défilé en disant que Rome a pris les chefs-d'œuvre de la Grèce et que Paris, désormais, est nouvelle Rome. Ça, c'est une première justification. Mais la seconde justification est la plus déterminante et la plus contemporaine. C'est une justification que j'appellerais idéologique, c'est-à-dire l'idée que, contrairement à tout ce qui s'est passé auparavant, l'ère nouvelle ouverte par la Révolution est une ère de liberté, que Paris est la capitale de la liberté, puisque la France est la nation de la liberté. Et par conséquent, cette idéologie de la liberté légitime, pour au moins ceux qui la professent, le transfert de toutes les œuvres importantes, puisque toutes ces œuvres qui sont les modèles de l'art le plus parfait, se trouve jusque-là dans des pays abandonnés à la superstition et au despotisme, et qu'à partir de leur transfert à Paris, ces œuvres retrouvent le sol de la liberté. La question la plus importante est de savoir si les tableaux arrivés jusqu'à présent ont souffert ou non du transport, des manipulations et des restaurations qu'ils ont connues ici. Je suis un objet d'art. Pour bien y répondre, il faudrait avoir connu ces tableaux auparavant. J'ai été emporté par les Français. Quelques personnes sont dans ce cas et elles répondent par l'affirmative. J'ai été enveloppé dans des rideaux. Mais il est très difficile, ici, d'évaluer dans quelle mesure l'imagination et l'esprit de parti influencent le jugement. J'ai été démonté, puis roulé et emmené à Paris. Il y a d'ailleurs une coquetterie bien naturelle à toujours dire qu'une chose n'est plus ce qu'elle était lorsqu'on la connaissait autrefois. J'ai été peinte en Italie. Avant d'être nettoyée, Sainte-Cécile était extrêmement sale. Et maintenant, elle a un peu viré au rouge. On ne peut donc pas entièrement nier les dégâts. J'ai été enfermée dans une caisse. Mais je suis loin de croire qu'ils sont aussi importants que certains veulent bien l'affirmer. J'ai été rendue. Il est certain que lorsque tout ce qu'on possède ici sera correctement aménagé, cette galerie sera unique au monde. Et je ne peux pas nier que l'immense rassemblement de tant d'œuvres d'art a quelque chose de très exaltant. J'ai été volée. Cela me console en partie de la perte subie par l'Italie. Wilhelm von Humboldt. Il y a toute une littérature de voyage, d'anglais, d'allemand, d'italien à moindre degré d'ailleurs, qui visitent le Louvre et qui sont émerveillés par le fait de voir réunis dans la même enceinte des chefs-d'œuvre qu'ils n'avaient pas vus ou qu'ils avaient vus, mais dans des conditions plus difficiles. Donc il y a une sorte de gratitude à l'égard du fait qu'on dispose désormais d'une réunion de tous les chefs-d'œuvre. Donc visiter le Louvre Napoléon, c'était en quelques heures parcourir ce qui valait la peine d'être vu de toute l'œuvre humaine. Et donc je dirais qu'il y a une forme de gratitude, c'est le seul terme qui me vient à l'esprit en lisant ces récits de voyage, à l'égard des Français, même si par ailleurs on les déteste, même si on regrette ces transferts. Ce sentiment existe, il est d'ailleurs lié à des considérations proprement démocratiques, c'est-à-dire que beaucoup de voyageurs saluent le fait qu'ils peuvent entrer sans payer, avec libéralité, comme on dit, en montrant leur passeport, et que tout ceci est parfaitement tenu en ordre, protégé. Donc il y a une sorte d'âge d'or, finalement, du musée Napoléon. Et d'ailleurs, ça a bouleversé complètement la conception de l'art, ça a bouleversé complètement les hiérarchies entre ce qui relevait de l'art, ce qui relevait pas de l'art. Par exemple, les primitifs italiens ou flamands, avant d'être exposés au musée, au XVIIIe siècle, personne ne s'y intéressait. Or, ça a frappé des artistes comme Ingres ou d'autres. Donc, ça, effectivement, la réunion des œuvres au muséum, en raison de son ouverture au public, a provoqué aussi une mutation fondamentale du goût et de la conception qu'on pouvait avoir d'une certaine, entre guillemets, histoire de l'art ou proto-histoire de l'art. Après avoir travaillé plus d'une dizaine d'années sur les questions de pillage napoléonien ou bien d'expéditions scientifiques en Égypte ou d'autres formes qui ont permis la venue dans nos musées d'Europe et des États-Unis d'objets venus de régions lointaines. Enfin, après avoir travaillé sur ces questions qui ont toujours fait l'objet de lectures, enfin souvent de lectures nationalistes, j'ai compris que les mots qui servent à désigner ces déplacements d'objets sont toujours des mots qui transportent avec eux une interprétation. C'est-à-dire que quand vous parlez en France de spoliation d'œuvres d'art, vous pensez tout de suite, vous associez tout de suite le terme de spoliation à l'épisode, au moment de la Seconde Guerre mondiale et de la spoliation des familles juives. C'est fixé en quelque sorte, le terme de spoliation, qui pourtant a une origine latine très ancienne, est fixé dans la langue française à ce moment-là. Si vous parlez en allemand de Kunstraub, c'est-à-dire de rapine artistique, vous pensez tout de suite à Napoléon. Mais du côté français, quand vous pensez à Napoléon, vous pensez plutôt conquête artistique ou conquête révolutionnaire un peu avant. C'est-à-dire que ces termes transportent avec eux d'abord un point de vue du vainqueur ou le point de vue de la victime, transportent une historiographie, transportent des choses qui, si on les met pas en évidence, ces choses, si on n'y réfléchit pas, elle vous empêche de penser la chose elle-même, c'est-à-dire le déplacement de patrimoine dans des situations historiques tendues ou asymétriques. C'est pour ça que j'ai trouvé nécessaire d'inventer un autre mot, le mot de translocation, ce terme, ce concept, qui est un concept qui sert à désigner les transformations génétiques, c'est-à-dire qui part de l'idée qu'un gène s'il se déplace d'un point A à un point B, va dans ce déplacement aussi être transformé, changé. L'objet qui est sous le sable pendant plusieurs milliers d'années, qui est sous le sable d'Égypte et qui tout d'un coup, en quelques semaines, parce que les bateaux à vapeur permettent le transport, va se retrouver transporté du sable d'Égypte sur l'île des Musées à Berlin, vous voyez bien que cet objet, il est transformé d'un coup, il lui arrive quelque chose. Et la translocation, c'est ça, c'est à la fois le déplacement et la transformation de l'objet. C'est très important, à mon avis, de trouver des termes qui soient dépourvus de jugement moral ou d'implication politique. Et de la même façon que les objets sont transformés par leur déplacement, finalement, les visiteurs des musées, les populations qui accueillent ces objets sont transformées aussi par ces objets qui, finalement, atterrissent à Paris, à Berlin, à Londres. Absolument, on ne peut pas penser les objets dans les musées sans les visiteurs des musées qui, on l'espère, sont touchés au cœur par ces objets, donc transformés pour leur vie. On connaît bien le poème de Rilke qui voit un torse d'Apollon au Louvre quand il est tout jeune homme, et ce petit poème donc commence par la description de ce torse antique et finit par ces deux vers « Il n'y a pas un endroit de ce torse qui ne te voit pas, tu dois changer ta vie. » Torse archaïque d'Apollon. Nous n'aurons jamais vu sa tête légendaire, aux yeux mûrs, comme des fruits. Mais nous voyons son torse encore incandescent, flamme vacillante pourtant, mais qui perdure et brille. Sans elle, d'où viendrait la lumière qui suit éblouissante la courbure des muscles? Et comment le sourire, issu du fin mouvement des reins, coulerait-il jusqu'au sexe lourd, à la mi-temps du corps? Sans elle, ce roc se dresserait court et difforme à la chute diaphane des épaules. Il ne scintillerait pas comme une peau de fauve. Il ne jaillirait pas hors de ses limites comme font les étoiles. Car il n'y a pas de lieu d'où l'on ne t'aperçoit. Tu dois changer ta vie. On est en 1814, et à l'époque, on ne jure que par le Louvre. Tout le monde se félicite de ce gigantesque musée Napoléon ouvert à tous, où l'on peut admirer, dans l'ordre le plus parfait, toutes les merveilles artistiques qui comptent à l'époque. Seulement voilà, le vent tourne, l'Europe se dresse contre l'empereur, qui abdique, et est exilé à l'île d'Elbe, avant de faire un bref retour lors des 100 jours. Mais là, les nations réunies ne sont plus du tout dans le même état d'esprit. Et c'est le duc de Wellington, grand vainqueur de Waterloo, qui envoie les officiers et les émissaires récupérer les œuvres au Louvre. Lettre du duc de Wellington à Lord Castlereagh, le 23 septembre 1815. Ils désireront retenir ces chefs-d'œuvre, non parce que Paris est le lieu le plus convenable pour les réunir, mais parce qu'ils ont été acquis par des conquêtes dont ils sont les trophées. Les mêmes sentiments qui font désirer au peuple français de garder les tableaux et les statues des autres nations doivent faire désirer aux autres nations de voir restituer ces objets à leurs légitimes propriétaires. Il est de plus à désirer que si le peuple français n'est pas déjà convaincu que l'Europe est trop forte pour lui, on lui fasse sentir que quelque grand qu'aient pu être ses avantages, le jour de la restitution doit arriver à la fin. Et puis très vite, je dirais, tout se gâte, et notamment la fameuse lettre de Wellington qui est publiée au moment où les alliés entrent à Paris, et qui dit en substance « il faut détruire le Louvre Napoléon parce que c'est une grande leçon d'immoralité qui est donnée à l'Europe. C'est immoral de voir cette réunion de morceaux dispersés, arrachés de leur site, etc. C'est non pas seulement le droit de la guerre, entre autres, qui impose de punir les Français, mais sur le plan éthique. C'est devenu quelque chose qui n'est plus légitime. Et de ce point de vue, le Louvre Napoléon a perdu, si vous voulez, la guerre des idées. ce qu'a créé l'art des Grecs, le franc peut bien, par les armes, l'emporter sur les rives de la Seine et exposer dans de fiers musées ses trophées de vainqueurs devant la patrie ébahie. Pour lui, ils resteront toujours muets. Jamais ils ne quitteront leur socle pour rejoindre les rangs joyeux de la vie. Seul possède les muses, celui qui les porte dans la chaleur de son sein. Pour les Vandales, tout n'est que pierre. Les Antiques à Paris, Friedrich Schiller. Ce sont les généraux, ce sont les traités de paix qui ont organisé les retours. Comment concrètement se décide ce genre de grandes opérations, même en termes de maintenance, d'organisation? C'est quelque chose d'énorme. Le processus des restitutions, c'est plutôt une reprise par différents États. Et dans le cas de l'Allemagne, ce sont un très grand nombre d'États. L'Allemagne n'est pas unifiée à l'époque, donc c'est des principautés qui envoient chacune des délégués. Le pape envoie aussi des délégués. La ville de Venise, qui est représentée par l'Autriche, envoie des délégués. Et ces différents délégués négocient chacun à leur manière avec les différentes institutions parisiennes pour reprendre leurs œuvres. On ne peut pas vraiment parler de restitution au sens où, voilà, hein, une sorte de ministre de la culture qui aurait été vivant de nom, se serait présenté et aurait tenu un grand discours disant « on les a eus, on vous les rend ». Pas du tout. Hein. C'est plutôt quelque chose qui se passe dans la douleur, avec des listes, avec des négociations, avec... voilà. En réalité, d'après les sources, il semble que les choses se soient passées de manière... sans doute musclé, c'est-à-dire que les Français, les autorités françaises, les conservateurs français, Dominique Vivant-Denon en tête, n'ont plus eu le choix de rendre ou non, ils y ont été forcés, voilà. Certaines œuvres ont été renvoyées en Italie après 1815, la majorité d'entre elles. Certaines sont restées parce qu'elles ont été en partie oubliées, certaines ont été envoyées dans des musées en région avec le décret Chaptal et c'était trop compliqué d'aller les chercher en région. Certaines n'ont pas été renvoyées en Italie, en particulier par exemple un certain nombre de primitifs parce que ça, en fait ça n'intéressait pas grand monde du côté de l'Italie et certaines sont restées à la faveur de traités internationaux. Le fait que les noces de Cana resteraient en France a été acté par un traité, le traité de Campo Formio, qui a été confirmé à la chute de l'Empire en 1815. Et à ce moment-là, le tableau, les noces de Cana de Véronèse, a été échangé avec Venise, avec un tableau de Charles Lebrun qui se trouve toujours à Venise. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce tableau des noces de Cana a une histoire qui est presque aussi longue au Louvre qu'au couvent de San Giorgio Maggiore, et donc il s'est identifié aussi avec l'histoire du musée du Louvre. On peut se poser la question de savoir si les noces de Cana n'avaient pas été au Louvre visibles pendant deux siècles par des millions de visiteurs, si elle aurait aujourd'hui la célébrité qu'elle a. Et justement, quand vous voyez ce tableau, quand les gens visitent le Louvre, on a parfois cette idée fausse, on se dit, bon, voilà, les musées sont remplis d'objets volés, spoliés, on entend souvent des choses comme ça. Et c'est surprenant que l'exemple des noces de Cana revienne souvent sur le devant de la scène avec cette question-là, alors que justement, c'est une œuvre qui a fait l'objet d'un traité. Finalement, il y a beaucoup de fantasmes aussi, puisque en fait, il y a deux œuvres souvent qu'on nous réclame, c'est-à-dire où on dit il faudrait que ça retourne en Italie. En l'occurrence, c'est les Noces de Cana et la Joconde, qui est juste derrière nous. Or, la Joconde est arrivée en France de façon tout à fait normale dans les bagages de Léonard de Vinci, qu'il a laissé au roi de France. Donc, on voit en fait des sortes d'amalgames sur les translocations, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un travail extrêmement fin et peut-être qu'on indique mieux ou encore mieux la provenance des œuvres ou la manière dont les œuvres sont entrées dans le musée. Ah, peut-être on peut s'approcher justement pour voir ce qui est indiqué sur le cartel des noces de Cana, pour voir ce que le visiteur au Louvre a comme information. Attention, attention. Attention. Ah. Alors peut-être que vous nous lire ce cartel. Alors si je lis le cartel, j'ai le nom Paolo Cagliari di Véronèse, Vérone 1528, Venise 1588, les noces de Cana, peint en 1562-63 pour le réfectoire des bénédictins de San Giorgio Maggiore et à Venise, restauré en 1989-92 avec le mécénat d'Ici France, entré au Louvre en 1798 et le numéro d'inventaire INV 142. On pourrait imaginer, et ça pourrait d'ailleurs, que c'est souvent ça qui intéresse le public, c'est la petite histoire de l'histoire de l'art. Donc finalement, on pourrait dire, voilà, ce tableau a été pris à l'occasion des annexions de la... napoléonienne, oui, oui. Et puis il est resté ici légitimement dans le cadre d'un traité de paix. Effectivement, sur ce cartel-là, il n'y a pas... normalement, on met l'emplacement et la date. Et là, effectivement, entrée au Louvre en 1798, je reconnais que ce n'est pas très explicite. Je suis véritablement célèbre seulement depuis que les malheurs de la guerre ont fait affluer grande quantité de gens à Paris. Je mentirais en disant que ce voyage m'a été inutile. D'abord, il m'a donné l'occasion de me mesurer à d'autres tableaux et je m'en suis plutôt bien sorti. Ensuite, on a fait des recherches sur moi. Cela a été comme une résurrection. Et maintenant que je suis montré aux yeux de tous, ici, dans ma patrie, je m'étonne de voir combien le regard que les gens portent sur moi a changé. On me comprend, on m'aime. Et même ceux qui ne voudraient ni ne pourraient peindre comme je suis peint sont enchantés de me voir et rendent hommage à ma vieille bonne droiture et à ma franchise. Moi, tableau de Danzig, exemple vivant d'une existence jusqu'ici, hélas, trop peu féconde, j'en appelle instamment à vous pour que vous exhortiez votre roi à exposer ses trophées de guerre dans un musée allemand et prussien, afin qu'il contribue en temps de paix à raviver les arts. Si vous prenez le cas de Berlin, la restitution ou le retour des œuvres est salué par une exposition qui ressemble vraiment beaucoup, même dans le graphisme du catalogue, à l'exposition des œuvres qui avaient été conquises en Allemagne. Et quand elles sont reconquises, en quelque sorte, le tableau numéro 1 de l'exposition, c'est en effet un tableau de l'école allemande ancienne qui, évidemment, d'abord qui n'était pas à Berlin avant son départ, qui était à Danzig, à Gdansk, qui avait été pris... donc là-bas par Dominique Vivant-Denon, et que les Berlinois ne veulent pas restituer à Gdansk, mais qui voudraient bien garder ici, parce que c'est un des plus importants tableaux à l'époque attribué à Van Eyck, qui est en fait de Memling. Et cette exposition donc joue un rôle important ici pour tous ceux qui souhaitent la création, à partir de 1815 à Berlin, d'un musée public. Un musée public qui n'existe pas encore, donc sur le modèle du musée Napoléon, ou en tout cas l'idée d'un musée ouvert à tous. Et c'est à partir de cette première exposition des œuvres qui rentrent que le discours, l'opinion publique, les journalistes, l'intelligentsia berlinoise se mobilisent pour dire voilà, cette exposition est bien, mais on ne veut pas qu'après l'exposition, les œuvres retournent dans les châteaux du roi de Prusse. On veut continuer de pouvoir les voir. Donc, on commence à se poser la question non seulement du lieu où on pourra les exposer, de l'architecture de ce lieu, mais en plus d'augmenter ces collections qui reviennent. Et après 15 ans de construction, de réflexion, de concept, d'achat, on arrive à la création du Altes Museum qu'on voit ici au bout de l'île, qui est en fait un musée très grand, très monumental, donc qui se rapproche de l'idée du musée telle qu'elle a pu être vue par l'Europe autour de 1800 à Paris, mais qui réussit ici à ne pas tomber dans le pathos national, qui essaye de faire un musée. Alors c'est très intéressant d'ailleurs, hein, c'est un musée à double entrée. On peut se décider, quand on est un visiteur de 1830, de prendre le chemin italien ou le chemin allemand, comme on veut. On a à peu près des salles réparties moitié-moitié sur des époques, et l'art allemand lui-même ne joue pas un rôle très considérable dans ce musée. Et il est tout à fait remarquable que l'un des fonctionnaires du musée du Louvre, au moment de la dispersion, donc en 1816, écrivent que l'on assiste à une muséomanie européenne. C'est le terme qu'il emploie, de muséomanie, qui est un terme tout à fait fascinant, parce que ça veut dire que partout en Europe, on avait une sorte de rage du musée. C'est-à-dire ce musée central, ce musée Napoléon, une fois dispersé, on a eu de cesse, non pas de le refaire, mais de récupérer des morceaux pour ouvrir de nouveaux musées. Alors voilà, le Louvre a gardé les noces de Cana échangées contre un tableau de Lebrun avec Venise. Mais le Laocoon est retourné à Rome, le Quadrige de Brandebourg à Berlin et les chevaux de Saint-Marc à Venise. Ça a dû faire d'étranges attelages, ces chevaux de métal qui traversaient de nouveau l'Europe pour rentrer chez eux. Pourtant, à Venise, certains réclament le retour des noces de Cana. Et il se trouve qu'à Madrid, Adam Lowe a créé une société, Factum Arte, qui se spécialise dans la reproduction exacte d'œuvres d'art et un peu aussi dans la consolation des pertes et la réparation des torts. Sono le nozze di Cana. Le tout grâce à la technologie. Sono fatta di tela, di legno, di pittura. L'idée était donc de faire un fac-similé du tableau de Véronèse et de l'installer à Venise à sa place d'origine. Je crois que les noces de Cana, ça a été une des premières fois où on testait vraiment nos capacités devant le grand public. En plus, Venise est une ville très sensible à la question des copies, ou à celle des restitutions artistiques. Donc, il y a eu un grand moment de tension quand le facsimilé a été dévoilé. Le réfectoire du Palladio à San Giorgio Maggiore était bondé. Il y a eu ces 2 ou 3 secondes de silence quand le rideau est tombé et soudain, les gens ont commencé à applaudir. Certains ont même fondu en larmes, pris par l'émotion de voir cette peinture de retour à sa place. Et ça, c'est aussi une part de notre travail. Ce n'est pas juste recréer quelque chose de scientifiquement exact. C'est aussi provoquer une réponse émotionnelle devant un objet. Et ça nous permet de vérifier qu'on le fait bien. Évidemment, tout le monde savait que c'était un facsimilé. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et d'ailleurs, on mentionne toujours qu'il s'agit d'un facsimilé. Mais le fait de voir cette œuvre dans l'espace pour lequel elle avait été pensée au départ, sous la bonne lumière et à la bonne hauteur, eh bien, à la fin d'un tel projet, même si tout le monde sait que la peinture originale est à Paris, eh bien, peut-être que finalement, celle de Venise est plus authentique. Alors, la signification que les noces de Cana ont prise en arrivant au Louvre, c'est tout d'un coup cette entrée de façon tout à fait spectaculaire et à une échelle monumentale d'un des chefs-d'œuvre de la peinture vénitienne. Et donc, ce qu'on voit encore aujourd'hui, notamment après la Restauration, c'est l'éclat de la couleur. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand cette œuvre est arrivée en France, elle a eu un rôle tout à fait déterminant sur la jeune génération qui tout d'un coup s'est pris, si je puis dire, la couleur plein pot comme ça dans le visage, et les romantiques sont inspirés de Rubens et se sont inspirés aussi de Véronèse, par exemple, de Lacroix, à copier ces noces de Cana et à essayer de retrouver cette couleur, et en particulier le jeu des couleurs complémentaires, les verts et les oranges, etc., etc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, les noces de Cana aujourd'hui au musée du Louvre sont dans le Saint des Saints. C'est la salle la plus prestigieuse au cœur du Louvre et c'est celle aussi qui abrite la Joconde et les grands chefs-d'œuvre de la peinture vénitienne comme Giorgione, etc. Mais oui, une sorte de Saint des Saints dans laquelle 5 millions de visiteurs passent au moins par an, donc devant les noces de Cana. Je suis les noces de Cana. Sono fatalité. J'ai été regardée par des millions d'yeux. Ich bin die Hochzeit von Cana. Je suis le noce de Cana. Dans 13 ans, j'aurai passé autant de temps à Paris que je n'ai passé d'années à Venise. Je suis faite de toile, de bois et de peinture. On a rêvé d'aller à Venise, pour faire entendre le réfectoire et tenter de capter l'émotion de ceux qui voient le tableau à l'endroit pour lequel il a été pensé. On a même confié des micros et fait quelques recommandations à des voyageurs de passage. Mais le hasard a tenu bon. La porte du monastère est restée close et les enregistreurs au fond des sacs. Finalement, l'atmosphère du réfectoire, illuminée par le retour des noces de Cana, nous échappe encore. Il faudra donc l'imaginer. Merci à Sébastien Allard, Carlos Bayod, Guillaume Mazot, Dominique Poulot et Bénédicte Savoie. Merci à Anna Holweck, Didier Lagarde et Fergus Blunt. Lecture Léon Bonafé, Daniel Königsberg et Mathieu Farizier. Prise de son Romain Lucquins, Olivia Branger et Philippe Etienne. Mixage Claude Niort. Comment la révolution iconoclaste inventa le musée du Louvre. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Diffy Mariani. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez revoir La Porte de Saint-Denis, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le couvent San Giorgio Maggiore ou nous réécouter au Louvre, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernier épisode, tu ne convoiteras pas l'œuvre d'art de ton voisin, la restitution en question. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.